moulin ouin, je tire une taffe. Pendant que je roule sur l'or, un gros saut pour les freins, un coup de crosse. Pour les faux, je contrôle Paris comme Rick Ross, contrôle Miami. Je passe le CLM à mes amis. Le salaire de mes ennemis dépasse même pas le montant de ma carte grise. C'est du rap gangsta, L-E-R-C-A. Les rappeurs nous dévisagent. Quatre roues motrices, tiens la route dans les virages. A chaque apparition, les MC sont en mode pause. Je suis chaudement, le brolic à la main, j'avance. Le doigt sur la détente, j'ai le train de vie d'un prince. Un flow en or, et le sourire aux lèvres quand on vient passer les pinces. Attendu par ces mecs de test, sans qu'on pète, toi un Z qui panique pas, même quand la caisse est remplie de sel. Attendu par ces mecs de test, sans qu'on pète, toi un Z qui ferme pas, même devant un brolic, il parle de ta mère. Attendu par ces mecs de test, sans qu'on pète, toi un Z qui panique pas, même quand la caisse est remplie de sel. Attendu par ces mecs de test, sans qu'on pète, toi un Z qui ferme pas, même devant un brolic, il parle de ta mère. J'avais ma chouane, c'est pour mes fadés, condamné à traîner. À sonner dans le quartier, triste est la réalité. Moi aussi je veux le pouvoir, limousine et caviar. Réunir la famille au soleil, pas au parloir. Par toi, mec, si t'es pas rentable, que ton flow est pourri ou que t'as pas le mental dans ce rap game de merde. Je me sens perdu comme les mecs de Lost. Marie m'a la classe de Prada, c'est le des autres MC Glaco. Je reprends le micro, c'est pour le ghetto et c'est garde de la maille. Il m'en faut, je compte pas être sur le rap, mais l'illégal. Arrête de croire que je fais de la zik, que je prends ça comme un passe-temps. Moi je vise la tête des ventes de disques et ses classements. Ok, ça c'est le projet du ghetto, le projet prototype de Northside. Attendu par ces mecs de test, sans qu'on pète, toi un Z qui panique pas, même quand la caisse est remplie de sel. Attendu par ces mecs de test, sans qu'on pète, toi un Z qui ferme pas, même devant un brolic, il parle de ta mère. Attendu par ces mecs de test, sans qu'on pète, toi un Z qui panique pas, même quand la caisse est remplie de sel. Attendu par ces mecs de test, sans qu'on pète, toi un Z qui ferme pas, même devant un brolic, il parle de ta mère. Y'a 15, mon secteur, la violence me suit, je sais, ma photo est partout sur la ligne. C'est du Vessap, t'as tout niqué. J'ai juré d'acheter des mortiers sur toi de la BRC le 14 juillet. C'est boss en hauteur, un carnigramme. T'as le soin à la tripagon, vers du périph', un garde à Tunisie. C'est l'autoroute A15. C'est un mauvais enjeu un peu dans tous les cas. Je te dis qu'on va la baiser A15. Moi je connais la résolution, faut tout niquer évidemment. Pour se faire un fin, max de bifton. Demain se barre au steak à Harlem, on va baiser des putes. Même pas besoin qu'elles nous aiment. Jamais en Sicile, les keufs me suivent pour me sentir à l'abri. Je me barre à pas max DJ. Mange un mec des Ragnais, pas un mec de Los Angeles. Passe pour la bombe nucléaire et les MC en sang, je laisse. Marre de tout niquer, marre de ses comportements. Les dicars sont à son quai, sont niqués. Repéjaquement, l'arcard, c'est une troupe enragée. Trop hardcore est devenu notre banlieue noire. Attendu par ces mecs de test, sans qu'on pète, toi un Z qui panique pas, même quand la caisse est remplie de sel. Attendu par ces mecs de test, sans qu'on pète, toi un Z qui ferme pas, même devant un brolic, il parle de ta mère. Attendu par ces mecs de test, sans qu'on pète, toi un Z qui panique pas, même quand la caisse est remplie de sel. Attendu par ces mecs de test, sans qu'on pète, toi un Z qui ferme pas, même devant un brolic, il parle de ta mère.